Oui, des bêtises comme ça, des saloperies comme ça, ils mobilisent ça parce qu'ils veulent justifier l'esclavage. Mais on ne va jamais justifier l'esclavage. Il n'y a aucun argument historique qu'on peut opposer au fait de l'esclavage. Aucun. Même pas l'esclavage arabo-musulman. Le juif, donc, on parle de ça, on parlera de ça ici. Pour démontrer à ces petits criminels français et leurs théoriciens là, qui écrivent des bêtises comme ça là, que vous êtes vraiment des criminels, vous allez mourir criminels. Donc, c'est un fait historique. Des gens sont emparés sur ce pays-là. Les populations se sont révoltées, ont lutté. On les a décimés plus de la moitié. Ce n'est pas la faute des Centrafricains si à ce moment-là, ils n'étaient pas suffisamment armés pour affronter la France. C'est une faute, c'est leur faute. Mais à ce moment-là, il faudrait aller plus loin. Fabrice, il faudra punir les Juifs pour avoir été faibles devant Hitler. Et d'avoir été génocidables. Afrique Média, le monde, c'est nous.